DevOps. DevOps, le magazine et observatoire du DevOps. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 7e numéro de DevOps, numéro spécial puisque nous sommes chez Dot Conferences, accueillis généreusement, et nous allons pouvoir parler de ces conférences avec eux, l'historique, l'actuel et même le futur de ce qui va arriver chez Dot Conferences. Et pour nous accueillir, on a Vincent. Hello. Alors, qu'est-ce que tu fais chez Dot Conferences? Alors, je gère toute la partie communication et la partie participant aussi. Et pas mal de choses, vu qu'on est une petite équipe, on met un peu la main un peu partout, voilà. Super, alors pour m'accompagner, il y a des anciens, donc on a Xavier. Coucou. Donc moi, comme dit la dernière fois, je suis toujours SRE chez Le Bon Coin et ravi de vous accompagner ce soir. C'est vrai qu'il va falloir continuer, il va falloir qu'on dise à chaque fois où est-ce qu'on est, vu le rythme à laquelle on change, ça peut évoluer vite. Et on a Romain aussi. Oui. Et moi aussi, j'étais là la dernière fois et je suis toujours indépendant, mais par contre, c'est vrai que je change mission beaucoup, beaucoup. Et voilà, donc là, en ce moment, je m'occupe toujours des forges d'intégration continue au ministère de l'Intérieur. Et c'est très drôle, j'aime beaucoup ce que je fais. Et c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour, j'en parlerai. D'accord, tu feras une conférence là-dessus sur le ministère. J'aimerais beaucoup faire une conférence sur qu'est-ce que c'est le ministère, qu'est-ce que c'est les contraintes, pourquoi elles sont là, et expliquer un peu qu'est-ce que c'est que la vie d'un DevOps SRE chez le ministère, quoi. Ok. Bon, et puis moi, Guillaume, qu'est-ce que je suis en fait? Très bonne question, je me la pose très souvent. Indépendant, voilà, c'est peut-être indépendant et libre. Donc voilà, peut-être vous aurez plus d'informations parce que je risque de commencer des missions. Et voilà, et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec déjà une présentation. Si Vincent, tu peux nous faire une petite présentation de Dot Conferences. Donc enfin, on va peut-être dire déjà, moi je connais Dot Conferences d'abord pour le .go. .go et .scale qui sont les deux conférences peut-être que où vont le plus de DevOps, mais toi, si jamais tu devais décrire ce qu'est à l'heure actuelle Dot Conferences. Ouais, donc les Dot Conferences, c'est des conférences tech pour développeurs qui se déroulent à Paris, et en fait c'est calqué sur le modèle des conférences TED et TEDx. Donc on essaye de faire ça dans des beaux théâtres parisiens, en invitant les meilleurs speakers possibles dans chacun des domaines. On les prépare au maximum. Et voilà, c'est un petit peu ça le package de Dot. On vient à une Dot aussi principalement pour rencontrer la communauté. D'accord, super. Et donc, ce qu'on avait envie de savoir, parce qu'il y a quand même un but derrière ce podcast, c'est vraiment... qu'est-ce qui a amené à faire ces événements-là, qui maintenant sont un peu incontournables sur la scène parisienne? Ouais. Quel a été le début? La motivation, ouais, l'élément déclencheur. Bah justement, c'était de redonner la place à Paris sur la scène européenne. Quand on a commencé, en fait, les grandes conférences tech n'étaient pas spécialement à Paris. On trouvait pas vraiment ça normal. En tout cas, c'était pas dans ce format-là. Donc c'est pour ça qu'on a essayé un petit peu de calquer le format TED, parce que Sylvain, un des fondateurs de Dot, avait fondé lui-même TEDx Paris. Donc c'était un format qui a été prouvé, qui marche bien, voilà. Donc on a fait la même chose en fait sur les conférences tech, avec des talks de 18 minutes, dans des théâtres parisiens comme je disais, avec les meilleurs speakers possibles, et voilà. Et d'ailleurs, tu as parlé d'un des fondateurs, ça veut dire qu'il y en a d'autres? Ouais, donc j'ai mentionné Sylvain. Il y a aussi Ferdinand, qui lui était ingénieur réseau, qui est plutôt spécialisé dans le marketing pour développeurs. Ok. Et d'ailleurs, ça m'intrigue beaucoup, en fait, que tu dis, vous avez préparé les TEDx Paris, mais comment ça marche? C'est toujours géré par TED, qui est aux États-Unis, et vous êtes une sorte d'antenne qui fait les TEDx. Enfin, comment ça marche, cette partie-là? Alors nous, on fait pas les TED, c'est vraiment Sylvain qui avait fondé ça, qui avait fait TEDx Paris, donc c'est vraiment autre chose. Et je crois, si je me trompe pas, qu'en fait il y a des sortes de licences un petit peu pour tous les événements TEDx. Et je crois que c'est géré par TED, mais ensuite je pense que ça doit être des organismes qui sont vraiment dans chaque ville ou dans chaque... pour chaque événement, quoi. Et d'ailleurs, ça, je crois que ça fonctionne comme ça. Ça continue encore, enfin, c'est... ça existe toujours, TEDx, ouais. Ouais, ouais, toujours. Moi, j'avais une autre question, parce que comme tiens de le mentionner, il y avait certains d'entre vous qui étaient déjà dans le milieu de la tech et des conférences, comme Sylvain. Il y en a d'autres, comme tu mentionnais, qui étaient ingénieurs réseau. Et du coup, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir participer à cette aventure de redonner un petit peu l'aura de Paris en lieu central des places de la tech? Bah, par exemple, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à joindre l'aventure? Parce que Sylvain est mon frère. Ah bon, bah voilà. Non, non, pas du tout. Il m'a plutôt dit qu'il y avait une place de disponible pour rejoindre l'aventure. Donc voilà, j'ai pas hésité un seul instant parce que DOT, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. Quoi. On est quatre en fait et on est un peu comme une petite famille. C'est pour ça que ça marche aussi bien, je pense. Et moi, avant, j'étais web designer, donc je viens aussi un tout petit peu du milieu de la tech. Enfin, tu viens du milieu de la tech. Voilà, un petit peu. Et donc voilà, c'est pour ça que c'était un projet qui m'intéressait bien. Et donc d'ailleurs, on peut rebondir là-dessus, c'est quoi à l'heure actuelle l'état de DOT Conference? Combien de personnes vous êtes pour travailler sur ce projet? Donc on est quatre chez DOT. Donc il y a Sylvain qui gère surtout la partie contenu, speaker, ligne éditoriale. Il y a Ferdinand donc, qui lui est en charge du sponsoring. Dorothée qui gère tout ce qui est logistique. Et moi-même à la communication, marketing, et je fais un petit peu de développement aussi, avec les sites, entre autres, des choses comme ça. Donc en fait, là, vous avez, sur 4, il y a 3 backgrounds. Je ne sais pas, pour Dorothée, est-ce qu'elle a un background technique? C'est un background de logistique surtout. D'accord, ouais. Ok. Donc en fait, c'est très intéressant, vous avez une mixité là-dessus, mais sinon vous avez plutôt un background technique en fait, pour pouvoir faire ça. Oui, c'est vrai. Et du coup, désormais, vous êtes à temps plein sur DOT, ça vous occupe à temps plein là-dessus? Oui, alors Ferdinand, Dorothée, moi-même, on est à temps plein, et Sylvain, il est à moitié sur DOT et sur son autre société qui s'appelle Pricing Assistant. Voilà. Et on est 3 à temps plein. D'accord. Et donc, on fait 6 conférences dans l'année, sur des langages vraiment spécifiques, par exemple DOT Swift sur le langage Swift. On a aussi DOT Go, comme le mentionnait Guilhem, sur Golang. Il y a aussi DOT CSS et DOT JS qui auront lieu en fin d'année. Et les prochaines qui seront DOT AI sur l'intelligence artificielle, suivies le lendemain par DOT Scale. C'est vrai, ouais. Il y a 2 ans, c'était annoncé DOT RAI. Oui, c'est la deuxième édition. Ouais. Je m'en souviens. Oui, parce que là, toutes les conférences DOT dont tu as parlé sont au minimum à leur deuxième, en fait. Enfin, vont arriver à leur deuxième. La dernière, c'était DOT AI, c'est ça? Oui, DOT AI, c'est la plus jeune, là. Ça fait 2 ans. Après, il y a DOT Swift, c'est la 4e année, il me semble. Et voilà, après DOT JS, ça va être la 7e édition, DOT Scale la 6e. Et oui, ils avaient commencé d'ailleurs quelle année? On a commencé fin 2012 avec DOT JS qui était notre première. Et après, tous les ans, on essaie d'en lancer un petit peu des nouvelles. Et d'ailleurs, t'as une idée à peu près de la population qui vient? Enfin, je veux dire, c'est des événements où vous accueillez énormément de gens, il y a des chiffres différents en fonction des conférences. Par exemple... on peut commencer par les plus petits. Donc il y a DOT Swift et DOT AI où on est à peu près 500. Ensuite il va y avoir DOT Go où on était 850-900 l'année dernière, enfin cette année pardon. Suivi de DOT Scale où on sera à peu près 900 ou 1000. Et la plus grosse, j'ai oublié DOT CSS où on est 700. Et la plus grosse c'est DOT JS où on était 1400 en décembre dernier. Ouais, joli. Ouais, c'est impressionnant quand même. Et donc, peut-être justement, la logistique pour tout ce monde-là, là déjà on voit qu'il y a une disparité quand même assez importante entre les conférences. On part de 500, on arrive à 1500. Donc, c'est justement, comment se passe cette logistique dessus? Comment vous choisissez le lieu? Quels sont les lieux que vous avez, que vous utilisez? Et pourquoi peut-être Alors, on essaye au maximum de faire ça dans des beaux théâtres parisiens. La plupart du temps au Théâtre de Paris parce qu'il a une capacité de 1200 personnes je crois, sauf que là on est arrivé un petit peu à la limite des théâtres parisiens, malheureusement il n'y en a plus trop pour nous accueillir avec autant de monde, et du coup on a décidé de migrer au Doc Pullman, donc au nord de Paris. C'est plus un théâtre, c'est un peu, on va dire entre guillemets, un grand hangar, mais on essaye de le rhabiller pour recréer cet esprit qu'on avait dans les théâtres. Donc on bosse pas mal sur la scéno, on essaye de faire en sorte que les participants soient le plus proche possible du speaker. Donc ceux qui viendront à Dotscale pourront le voir, mais sinon il y a aussi les photos de Dot.js où il y a vraiment le speaker qui est sur un rond central et les participants sont vraiment à 2-3 mètres au plus près de lui. Donc ça crée aussi une espèce de proximité avec le speaker qui est assez intéressante. C'est super. Mais c'est vrai que moi j'avais le souvenir de Dotscale la dernière fois que j'y suis allé, c'était pas l'année dernière, c'est l'année d'avant. En 2016, ouais. Où effectivement je commençais à ressentir ce côté un petit peu serré dans le théâtre. Ouais, bah du coup on l'a refait en 2017 et c'était vraiment la dernière fois qu'on pouvait le faire là. Quand on commence à être 900 ou 1000 au Théâtre de Paris par exemple, ça commence à faire un peu juste au niveau des espaces communs entre les stands des partenaires. Les gens, ils n'ont pas assez de place aussi dans le théâtre. Parce que les théâtres, c'est beau, mais c'est pas mal de contraintes aussi. Au niveau logistique, forcément, on fait toujours attention au lieu, mais un théâtre encore plus, parce que c'est classé, etc. Les critiques, entre guillemets, qu'on avait souvent, c'est que les gens n'avaient pas assez de place, par exemple, pour les jambes, entre les rangées de fauteuils. Donc là, c'est quelque chose qui est amélioré avec le nouveau lieu. Voilà, il y a plein de petits détails comme ça. Qui sont à prendre en compte et qui font en sorte que l'événement soit réussi. Non, super. Et justement, en parlant des lieux, tu disais que donc un théâtre parisien, c'est des contraintes. Ça va être quoi comme type de contraintes, par exemple? Donc il y a déjà la contrainte d'espace. Il y a aussi une deuxième contrainte qui est qu'on ne peut pas vraiment s'approprier vraiment le lieu à part entière. Les choses sont en place, on peut pas faire vraiment ce qu'on veut au niveau de la scéno. Souvent, on utilise la scéno des pièces qui sont en cours dans le théâtre. Donc, on peut poser des plantes ou faire des choses comme ça, mais tout le décor est déjà monté. Donc, en fait, on doit vraiment s'inscrire dans le décor de la pièce existante. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que des fois, les participants pensent que on a vraiment monté ça de A à Z pour la conférence, alors que pas du tout. Voilà, c'était déjà en place la plupart du temps. Après il y a aussi des contraintes au niveau du wifi. Le wifi dans le théâtre n'est pas toujours au top, même si on propose pas de wifi pour les participants, on en a quand même besoin pour les sponsors. Voilà, donc c'est aussi des contraintes qu'on n'a pas dans d'autres lieux. Et c'est vous qui gérez tout ça en fait, parce que vous avez dit que vous étiez 3,5 en gros, ouais, pour la gestion. Comment ça se passe le jour J? Parce que 3,5 pour gérer aussi bien, enfin je pense qu'il y a pas mal de choses. Il y a l'accueil des sponsors, il y a l'accueil des participants ouais. Et des gens qui vont parler. Enfin, donc ça fait des intervenants, ça fait beaucoup de choses à faire. Enfin, comment ça se passe dans ces cas-là? Alors il y a pas mal de parties pour lesquelles on a des prestataires, forcément, comme tout ce qui est vidéo, parce que tous les talks sont filmés et redistribués gratuitement sur notre site internet. On essaie de les publier le plus vite possible après la conférence, tant que c'est encore chaud. Il y a aussi toute la partie light, la partie son, tout ça c'est des choses qu'on peut pas gérer nous-mêmes, donc on fait appel à des prestats. Le traiteur, pareil, c'est aussi des prestats. Donc tout ça c'est des choses à organiser, mais finalement qu'on ne gère pas à 100% le jour J, quoi. On check un petit peu si tout va bien, mais c'est pas nous qui le faisons de A à Z. Après, tu mentionnais l'accueil des participants. C'est vrai que c'est une partie importante de la conférence, parce que c'est la première chose que les gens vivent quand ils arrivent sur le lieu. Donc on essaye de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Et pour ça, on a des bénévoles en fait qui nous aident le jour J. Donc heureusement qu'ils sont là pour que ça se passe aussi le mieux possible. Tu fais un appel à bénévoles ou pas, ou c'est bon, vous en avez déjà assez Ouais, on en a pas mal, mais on est toujours partant pour que de nouvelles personnes rejoignent l'aventure. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez faire bénévole à une de nos prochaines conférences. Ce sera avec plaisir. Super. Ouais, pourquoi pas. Et moi, je me posais une question par rapport au théâtre parisien. C'est comment on les contacte, les théâtres parisiens? Enfin, ils acceptent d'entrée de jeu ou il y a une négociation? Je t'avoue que c'était déjà fait avant que j'arrive. Voilà, on tournait déjà dans le théâtre, mais c'est assez simple, quoi. Il suffit de les contacter, soit par mail, soit par téléphone, ou voilà. Et en fait, ils louent. Certains théâtres n'acceptent pas la location. Mais le théâtre de Paris, par exemple, il loue à la journée ou voilà quand il y a quand t'as pas de pièce de théâtre qui est en cours quoi. Ouais, c'est vrai que ce serait dommage d'être rentré en compétition avec une pièce. Ouais. Et justement, enfin la planification, parce que enfin il y a forcément donc une histoire, enfin il y a plusieurs choses en fait à prendre en compte, c'est que vous devez trouver le lieu qui soit disponible et que les gens qui vont parler soient disponibles également, etc., et que ça rentre pas en compétition avec d'autres événements potentiellement ouais. sur la scène parisienne. Comment ça se fait donc toute cette partie planification pour le coup c'est d'abord la première contrainte, ça va être laquelle, celle qui fixe le temps. Ouais, la première contrainte, c'est un petit peu de checker ce qui se fait sur les autres conférences, voir quelles sont les dates, etc. Souvent, on essaye de pas trop bouger les dates aussi pour que ça crée une certaine forme d'habitude pour les gens. Donc, DotSwift, par exemple, a toujours lieu fin janvier ou début février. DotScale, c'est en avril, mai, juin. Là, c'est la première fois qu'on essaye de le faire qu'on le fait en juin et puis en avril. Parce qu'on a eu certaines personnes qui nous disaient que le temps n'était pas terrible à Paris en avril, par exemple. Voilà, ce genre de petites choses. Donc, on essaye de prendre en considération au maximum les feedbacks des participants. Donc, on a bougé ça aussi un petit peu dans le temps. Et c'était aussi dû au fait que le lieu n'était pas disponible avant. Donc, ouais, c'est plein de petites contraintes. Et la première chose qu'on fait, donc, c'est de regarder la concurrence. Voilà. Et la concurrence, comme nous, quoi, ils essayent de pas trop bouger les dates. Par rapport aux années précédentes. Donc une fois qu'on a regardé ça, on contacte le lieu pour savoir si c'est disponible. Si on a de la chance, c'est disponible, donc tout va bien. Et si on n'a pas de chance, il faut à nouveau reprendre ce processus de regarder quelles seraient les autres dates auxquelles on pourrait réserver le lieu, etc. Et concernant les participants, les speakers, une fois que la date est réservée, c'est vraiment là qu'on commence à les inviter. Donc on les invite pas avant d'avoir la date. Donc des fois il y en a qui vont nous dire non pour cette année, mais on les garde pour l'année prochaine. Et voilà, c'est un petit peu. D'accord. Et c'est combien de temps à peu près à l'avance les invitations, enfin. Souvent on essaie de faire en sorte que dès que la conférence est passée, d'annoncer la date pour l'année d'après. Des fois on l'annonce même le jour J. On ouvre les places pour l'année d'après le jour J, comme ça les gens sont encore dans le sujet, voilà, ils sont encore à Paris, ils pensent encore à nous, voilà. Mais sinon les speakers commencent à être invités quand on annonce la date, quoi, en gros. Ok. Ouais. Et parlant des speakers, justement, comment vous faites pour déjà les sélectionner? Alors, je suppose qu'au début, il y a une certaine une curiosité en disant, c'est tel domaine, je voudrais bien entendre voir cet avis à lui. Mais après, il y a, comment dire, des rockstars dans chaque domaine de l'IT en ce moment et de plus en plus. Et comment vous faites justement pour rentrer en contact avec eux, leur proposer ça? Et maintenant, vu que tu viens de dire que c'est depuis 2012, il y a une certaine... les d'autres conférences, elles sont plus ou moins installées. Alors en tout cas, elles ont une bonne réputation. Mais tout au début, j'imagine que ça ne devait pas être forcément chose facile. Et donc c'était ça, la petite question, comment les rentrer en contact et tout. Ouais, alors c'est Sylvain chez nous qui gère toute la partie contenu et ligne éditoriale. Donc c'est lui qui invite vraiment les speakers. Pour les sélectionner, il y a plusieurs méthodes. Déjà, il y a la veille quotidienne, quoi. Il se tient au courant de tout ce qui se passe. Il est dev lui-même, donc il est bien dans le milieu. Il y a aussi les speakers des éditions d'avant, par exemple, qui nous font des intros à d'autres personnes, qui nous parlent d'autres personnes qui sont intéressantes pour l'année d'après, etc. Il y a aussi il fait aussi appel à des potes ou à des connaissances, quoi, pour lui recommander des speakers. Et voilà, c'est ça qui est bien, en fait, parce que c'est vraiment l'aspect communauté, quoi, c'est l'aspect bouche à oreille qui rentre principalement en compte. Et puis après, il y a aussi des paris un petit peu sur des personnes qui sortent des projets qui sont en train de monter. Voilà, en 2013, on avait eu Solomon de Docker quand ça a commencé un petit peu. Voilà, c'était aussi un pari, et maintenant on voit où est Docker. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce mélange d'actions, quoi, qui font en sorte qu'on arrive à voir les speakers. Et après, pour les contacter, donc c'est soit des intros, le bouche à oreille, soit on essaye de trouver de passer un tweet pour rentrer en contact, de trouver un mail, ou voilà, il y a plusieurs options possibles, quoi, en fonction des personnes. Et généralement, ils sont plutôt enfin propice et ils veulent participer ou vous avez eu, enfin j'imagine vous avez dû avoir tous les cas possibles dans les autres personnes qui disent bah non c'est quoi cette conférence. Ouais alors souvent le cas c'est la personne ne répond pas. Ah. Voilà donc dans ce cas-là on essaye d'activer d'autres réseaux quand on peut et sinon on réessaye l'année d'après. Jusqu'à ce que la personne vienne à la conférence ou pas, parce que des fois ça arrive qu'on nous réponde pas. Et quand on nous répond, souvent c'est plutôt positif, ouais. Il y en a qui vont nous demander une rémunération, par exemple. Et là, tout de suite, c'est une barrière parce qu'on rémunère pas les speakers. On l'a jamais fait, on le fera jamais. Donc, malheureusement, des fois c'est un peu une star ou quelqu'un qu'on aimerait bien avoir sur scène, mais qui demande une rémunération. Donc là, on dit non. Voilà, c'est. Justement, enfin, donc là, c'était justement une question que j'avais à la rémunération des speakers potentiellement. Il y a aussi le fait, enfin, est-ce que par contre vous leur offrez le voyage, enfin, comment se passe pour venir à une conférence ou c'est vraiment à leur charge Non, alors voilà, on les rémunère pas pour parler le jour J, mais on gère tous les à côté, donc le vol, l'hôtel, ce genre de choses, quoi. Pour c'est un petit peu un package, quoi. D'accord. Et d'ailleurs, je me posais cette question, c'est que il n'y a pas forcément que des superstars, il y a aussi peut-être des gens qui sont un peu moins connus. Et comment vous pouvez vous assurer que le talk va avoir une certaine qualité? Est-ce qu'il y a une sorte de préparation? Est-ce que... Ouais, tout à fait. Il y a Sylvain donc qui coach un petit peu les speakers, qui fait des répètes. Il y a des allers-retours assez souvent pendant la préparation du talk, quoi, pour leur faire des feedbacks, leur faire modifier un petit peu des choses si on les sent pas trop, mais c'est assez rare, ça on leur laisse souvent le champ libre de parler d'un sujet qu'ils ont envie, quoi. C'est pas forcément un sujet sur lequel ils bossent en ce moment ou voilà, c'est plutôt le truc, c'est on leur dit souvent de parler de quelque chose qui leur ferait plaisir et voilà, après on regarde si ça nous convient aussi, mais on met pas vraiment de barrière à l'entrée, quoi. C'est très juste parce que en plus tu as aussi mentionné au début par rapport à Sylvain qui participait à TEDx que le format des présentations est un peu particulier, enfin en tout cas est un peu différent des autres conférences qu'on a l'habitude de voir où les gens sont derrière un pupitre et passent des slides, ce qui peut être plus ou moins technique. Là c'est vrai que le format est différent et du coup qu'est-ce que tu peux nous en dire dessus par rapport à son accueil de la part des spectateurs et même les gens, les speakers? Ouais, donc le format c'est le format TED, donc des talks de 18 minutes. Il y a des personnes qui trouvent que c'est un petit peu trop court parce qu'il n'y a pas le temps de vraiment rentrer dans les détails, etc. Mais c'est un format qui a été éprouvé. Ces 18 minutes, c'est pas pour rien. C'est un peu le temps de concentration maximum d'un auditeur, quoi. Voilà, donc le but c'est vraiment de faire passer un message dans ces 18 minutes, quoi. Sachant qu'il y a aussi les Lightning Talk. Ouais, les Lightning Talk, c'est un autre format. Donc c'est des talks de 4 minutes. Et là, c'est assez speed, quoi, pour faire passer une idée. Donc c'est un petit peu parler d'un sujet. parler d'un sujet. C'est des personnes un petit peu moins connues, on va dire, mais tout est relatif, quoi. Des fois, on va avoir des Lightning Talk qui vont être vachement plus appréciés que des speakers de 18 minutes. Donc ça veut rien dire de... Et comment ça se passe pour les Lightning Talks, justement? C'est les gens qui proposent leur Lightning Talk? C'est vous qui choisissez? Enfin, comment... Oui, on a un CFP, en fait, qui est ouvert tout au long de l'année. Donc n'importe qui peut aller dessus et soumettre une proposition. Et ensuite, c'est Sylvain qui va faire le tri et qui va vraiment les sélectionner avant la conférence, ouais. Et donc, comment ça se passe le jour J, on va dire, enfin, ou avant, les speakers arrivent la veille, arrivent avant pour les répétitions, enfin, comment ça va se passer le jour de l'événement? Souvent, les speakers arrivent la veille ou deux jours avant, et donc on essaye déjà de les voir avant la conférence, parce qu'on les connaît pas, on les a pas tous rencontrés vraiment physiquement, donc on fait un dîner des speakers la veille souvent. Donc ça permet un petit peu de se rencontrer, de discuter et de voir un petit peu les derniers détails du talk. Et après, le jour J, souvent, ils arrivent le matin en même temps que les participants ou un petit peu avant. Ils ont une loge spéciale où ils peuvent rester toute la journée et continuer à préparer leur talk, etc. Ou alors, certains n'ont pas besoin de ça ou estiment qu'ils n'ont pas besoin. Et du coup, ils vont dans la salle au milieu des participants pour écouter le talk des autres speakers. Et du coup, avec des talks de 18 minutes, vous pouvez en faire passer combien sur toute la journée Alors, il y a deux formats de conférences. Il y a ce que j'appelle un petit peu nos petites conférences, comme .swift, .ai et .css, qui ont lieu que sur des demi-journées, donc l'après-midi. Et là, on fait passer environ 8 talks de 18 minutes, plus des lightning talks, et ça varie en fonction des propositions qu'on a un petit peu. Le minimum, je pense que ça peut être 2, 3, et après on a déjà eu jusqu'à 8 ou 12 lightning talks en fonction des conférences. Et après il y a l'autre format, donc nos grosses conférences entre guillemets, qui sont donc .scale, .go et .js, qui elles ont lieu sur une journée complète. Et là souvent c'est 12 speakers de 18 minutes, et entre 6 et 12 lightning talk. Voilà, 12 c'est vraiment le maximum, parce qu'après on est assez serré niveau timing, mais voilà. Et donc la journée est ponctuée de pauses pour que les participants puissent aussi rencontrer nos partenaires, voilà, qui sont dans un espace dédié. Et voilà, t'as introduit tout à fait la transition vers les partenaires. C'est comment ça se passe pour eux? C'est vous aussi qui allez vers eux la plupart du temps pour leur demander? Est-ce que c'est plutôt l'inverse et vraiment vous avez beaucoup de demandes et vous devez sélectionner? Et quel type de partenariat vous pouvez avoir? Ouais, il y a un petit peu des deux en fait. Ça dépend aussi des conférences selon leur aura. On essaye un petit peu de renouveler les partenaires quand on peut. C'est sûr qu'un partenaire qui vient depuis 5 ans, peut-être que pour les participants c'est un petit peu moins intéressant, et encore ça dépend lesquels. Et souvent donc les sponsors sont là pour soit marketer un produit, soit souvent ils sont là pour recruter des personnes. Donc les participants tout au long de la journée, ils peuvent aller sur les stands et parler avec les personnes qui sont en charge de ça chez le partenaire. Et puis voilà, des fois ça crée des belles histoires. Il y a déjà pas mal de nos participants qui se sont fait embaucher par des boîtes ou en tout cas qui sont rentrés en contact avec eux, donc voilà. Et justement, vous faites une sélection pour avoir plus des produits, enfin moitié produits, moitié recrutement, ou c'est vraiment en fonction des sponsors Non, c'est il n'y a pas vraiment de sélection comme ça, de faire moitié produit, moitié autre chose. C'est un petit peu selon les demandes qu'on a et selon les personnes qu'on a envie de contacter. Il n'y a pas de règles. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que les sponsors sont différents des stands ou est-ce que c'est un peu lié? Non, alors en fait, tous les sponsors de l'événement ont la possibilité d'avoir un stand à la conférence. Et c'est plutôt l'inverse. Des fois, il y a des sponsors qui sont partenaires de l'événement mais qui n'ont pas de stand le jour J. C'est assez rare parce que du coup, dans ces cas-là, ils peuvent pas vraiment rencontrer les participants et c'est un petit peu moins sympa. Oui, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est les goodies, en fait. C'est pour ça que je pense vraiment au stand. comme tout le monde, ouais. Ouais, c'est vrai. Et du coup, est-ce que t'as des petites anecdotes ou des regrets à nous partager sur certaines éditions? Ouais, j'ai une petite anecdote concernant Duskel, justement. Donc, en 2013, on avait invité Solomon à venir parler de Docker. Et c'était la première fois qu'il dévoilait le logo actuel de Docker en public. Ah, la whale. Voilà, c'est l'event. Et puis la deuxième, toujours pardon, avec .scale et Docker, c'est qu'on avait Ben Fishman qui était attendee en 2013 et qui avait démarré une boîte basée sur Docker, du coup, en écoutant le talk de Solomon. Et cette même boîte s'est fait racheter par Docker et Ben a été speaker en 2015 en tant que product manager chez Docker. Donc voilà, la boucle était un petit peu bouclée. Et donc on espère un petit peu que tous nos participants aient des aventures aussi belles que celle-ci. Alors on peut justement faire peut-être un focus encore plus profond sur le .scale, donc parce que enfin moi personnellement c'est les conférences que j'ai le plus fait, je crois même à Paris et même en tout. Non, le FOSDEM, FOSDEM c'est vraiment moi, le FOSDEM c'est quand même le rendez-vous. Voilà. C'était notre édition, c'était notre podcast d'avant, donc voilà, là on est dans le, on est toujours dans le thème. Donc sur le .scale. Pourquoi cette conférence-là? On a vu les autres sont sur des technologies. Sur les langages, ouais. Voilà, il y a non, il y a .ai qui est. Mais .ai justement, c'est la dernière qui est venue après .scale. Voilà. Donc à partir de .scale, il y a peut-être. Pourquoi cette idée peut-être du .scale? Enfin, moi, j'adore le concept d'avoir personnellement que ce soit assez large pour pouvoir accueillir à la fois des développeurs et des ERPs entre guillemets. Mais c'était même à l'époque où il y avait le DevOps. Enfin, ça aurait pu être .devOps. Bon, c'était pas très joli. Mais pourquoi .scale? Enfin, un peu peut-être son histoire, si jamais tu la vois un peu, et peut-être son état actuel déjà, où est-ce qu'elle en est Très bonne question. Non, ouais, parce que comme tu as mentionné au début, c'est vrai que c'est l'une des plus grosses après Node.js en fait. Node.js ouais. C'est la première, après il y a d'autres go qui, .scale qui ramène pas mal de gens. Ouais. Et enfin, alors peut-être les prochains intervenants, enfin ceux qui ont été au moins annoncés, c'est, ça va être quoi le thème, entre guillemets, de la prochaine, les gros intervenants, les, ceux que vous avez sélectionnés Ouais, donc il y a Paul Dix, qui était speaker en 2015 déjà, qui revient, et donc qui est le créateur d'InfluxDB. Il y a aussi Willy Taro, donc, qui est le créateur d'HAProxy. On a aussi Jérémy Edberg, qui était là également en 2015. Et Lucas Nussbaum, qui était le leader du projet Debian. Voilà, donc c'est les speakers qui sont annoncés pour l'instant, et il y en a d'autres qui vont arriver dans les jours / semaines à venir. Jour, là t'as pas un petit, un là qui. Non, je peux pas. Tu peux pas, révéler ça. Ouais. Et je suis moi-même pas au courant de tout ce qui se passe niveau speaker, c'est vraiment. Petit exclu. J'aurais bien aimé, mais. Non, mais oui, enfin, on voit déjà que c'est assez large en fait. Enfin, parce que là, il y a à la fois des projets open source. Hein, je pense à Debian, on a des. HAProxy, tous. Hein. Oui, beaucoup, non, mais hein. Des projets. Ouais, on essaie surtout d'avoir des projets open source. Ouais, ouais. Et moi, je me souviens d'une édition de .scale. Du coup, c'est à mes anecdotes à moi. C'était Blazor, je crois. La boîte qui fait du stockage mais basée à la mais sur qui ont monté après leur propre ouais c'était leur propre c'était PDU rouge c'était en 2000, Redbox, je crois c'était en 2016 en 2016 quand j'ai quand on y était allé et ouais ça c'était bien drôle parce que du coup c'est exactement c'était ça Back Blaze ouais Back Blaze ouais, pardon avec Gleb Budman ouais. Exactement ouais du coup là c'était purement un retour d'expérience sur une boîte qui s'était fondée sur juste ah bah ouais moi je veux du stockage en ligne à l'époque Dropbox et les autres avaient pas encore eu autant de succès et du coup ils ont lancé leur petite aventure ouais il expliquait un petit peu comment ils avaient monté un petit peu tout leur l'aventure aussi quand il y avait eu la pénurie des disques durs où les mecs qui alors tous les jours sur ton trajet tu vas faire le passage par là pour récupérer des disques durs où ils achetaient des disques externes qui fendaient au marteau pour pouvoir remplir leur serveur c'était assez drôle. Ça, c'est le genre de talk que les participants aiment bien parce qu'à la base, on est vraiment une conférence qui est assez technique, mais on essaie d'avoir des talks un petit peu inspirants comme celui de Gleb. Et c'est vrai qu'on essaie d'en avoir un ou deux par conférence et les participants aiment bien en général. Et le public qui vient, enfin les participants, c'est à peu près quoi leur background ? Enfin, je sais pas si vous avez des stats là-dessus, si vous avez pu voir un peu... ça va être je sais pas leur âge moyen leur sexe leur origine est-ce qu'il y a beaucoup parce que c'est vrai que c'est une conférence française à Paris c'est notre conference la plus française .scale. D'accord donc voilà c'est ça enfin sur toutes ça va se passer comment à peu près les répartitions même à vue de nez enfin globalement je dirais que l'âge moyen est entre 25 et 40 quoi c'est un petit peu dans la tranche des participants qu'on a malheureusement la plupart des participants sont des hommes voilà on essaye d'avoir le plus possible de femmes à nos participants mais c'est vrai que c'est pas toujours évident et il y a aussi ce problème entre guillemets sur la partie speaker on essaye au maximum de respecter la parité mais c'est pas toujours évident. Je pense qu'on n'est pas les seuls dans ce cas quand on regarde souvent les autres conférences les meet-up où voilà c'est la parité est rarement respectée Bah, si jamais les participants sont déjà pas en parité, c'est dur d'avoir des speakers qui... Enfin, si jamais on prend un ratio sur les participants, ça paraît à peu près... En fait, c'est toute la communauté qui est quand même vraiment écrasante, une majorité d'hommes. Du coup, c'est difficile de trouver des participants ou des speakers qui ne fassent pas partie de cette communauté, quoi. Et pour participer, justement, pour venir à une conférence d'hôtes, comment ça va se passer? Je sais qu'il y a un système de early bird, normal, etc. Vous avez d'autres façons encore pour les participants de venir? Oui, on a plusieurs programmes. Il y en a un premier qui est le programme ambassadeur, que tu connais bien, Guilhem, parce que tu es toi-même ambassadeur. Donc le but, c'est d'inviter 5 personnes à la conférence avec un code promo pour avoir accès à une place gratuite et le nom sur la page ambassadeur du site internet plus une slide pendant la conférence. Donc ça, c'est vraiment, on essaye vraiment de créer cet aspect communauté, quoi, qui est hyper important pour nous. On essaie d'être partenaire aussi avec pas mal de meet-up. Pour Dotscale plutôt français, un petit peu européen, et pour les autres confs nos partenaires européens sont un petit peu plus importants, mais le but, c'est aussi qu'on envoie un petit peu des codes promo, quoi, vraiment pour la communauté, pour que les personnes puissent assister à la conférence plus facilement. Voilà, ce genre de choses. Et on a un dernier programme qui est ce qu'on appelle le programme Fellow. Et donc là, on est partenaire avec des organismes comme Women in Tech, Women Who Code, ce genre de choses, pour faire en sorte que les communautés un petit peu moins représentées dans le milieu tech puissent aussi assister à la conférence. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et il y a aussi le programme de formation, non? Enfin, si jamais on veut venir... Oui, tout à fait. On est partenaire avec Oxiane. Voilà, vous pouvez utiliser votre budget formation pour assister aux conférences. Ok. Et je me dis, en fait, là, on est spécifiquement sur ta partie, sur tout ce qui est marketing, communication. À mon avis, que tu peux pas le résumer en 2-3 phrases, mais c'est compliqué de gérer la communication, inviter autant de monde à un seul jour à un endroit. Enfin, moi ça me fascine, en fait, qu'il y ait plus de 1500 personnes qui se déplacent ce jour-là, qui payent leur place. Comment ça marche, en fait, c'est toute cette communication? Ouais, c'est vrai que c'est une partie qui est pas évidente à faire, comme les autres parties, en fait. C'est pas évident de monter des événements aussi gros. On essaye de bosser au maximum avec des partenaires, donc les meet-up ou autres, qui nous aident aussi à ramener des gens à la conférence. On essaye de faire des partenaires sur plusieurs années pour que les gens nous oublient pas, qu'on soit vraiment implanté dans les différents écosystèmes. Et c'est un petit peu un travail de longue haleine, quoi. Si ça se fait pas cette année, ça se fera peut-être l'année prochaine, et on retente constamment. On essaye de trouver des nouveaux partenaires tous les ans, de renouveler un petit peu ce qu'on fait, etc., pour que la conférence soit de plus en plus attractive. Voilà, ça, des fois ça prend, des fois ça prend un petit peu moins, mais on essaie de jouer un petit peu avec tous ces facteurs. Mais justement, j'avais une question à ce propos, c'est au début, quand ça a lancé, vous avez tout de suite eu de l'audience, des gens qui ont accroché progressivement, ou... Parce que quand on veut se lancer dans cette aventure, comment on fait pour déjà développer l'embryon quand ça vient de sortir? Comment on fait justement pour avoir ces gens-là? Est-ce qu'il y a eu des moments de doute où vous vous êtes dit la première année, ça n'a pas trop l'air de prendre? Ouais, alors la première conférence était Dot.js, et à l'époque ça se passait au théâtre des variétés, pas loin d'ici sur les grands boulevards, et la capacité était un petit peu... moins importante, quoi. Il y avait peut-être 500 ou 600 personnes, je crois, là. J'étais pas encore là, mais je crois que c'était à peu près ces chiffres-là la première année. Et au début, oui, c'était surtout du bouche à oreille, l'aspect communauté vraiment qu'on a essayé de développer dès le début. Et au fur et à mesure, les événements grossissent d'une année sur l'autre. La deuxième année de Dot.js, on était déjà passé au Théâtre de Paris, et voilà, on essaye souvent de lancer nos conférences dans des théâtres un petit peu plus petits, pour voir un petit peu si ça prend ou pas, et après si ça fonctionne bien, on migre vers des théâtres plus grands. Ouais. Et est-ce qu'il y a eu des échecs justement ? Enfin, parce que là, pour l'instant, tout ont l'air d'avoir une deuxième édition, donc c'est où est-ce qu'il y a eu des échecs ? Est-ce qu'il y a eu des effets manqués ? Ouais, des actes, enfin des. Oui, il y avait DotRB qu'on a lancé en 2013 et qui avait un petit peu moins bien fonctionné que les autres, et du coup on a décidé de l'arrêter. Récemment, il y a eu aussi Dot Security qui a eu lieu en 2016 pour la première fois et en 2017 aussi. Celle-ci, on l'a pas vraiment abandonnée, mais on l'a plutôt mise en pause pour essayer de trouver un message, une accroche un petit peu plus forte, et essayer de repositionner un petit peu la conférence, parce que on voyait que ça prenait, mais pas vraiment comme on l'aurait espéré. Donc on est en train de retravailler dessus pour la relancer prochainement, parce que c'est un sujet qui est assez intéressant et assez porteur. Et est-ce qu'il y aurait une cause à ça ? Enfin, est-ce qu'il y a des communautés typiques ? Enfin, c'est assez spécifique. Enfin, je trouve ça, moi personnellement, assez marrant que Go, la conférence marche, alors que RB, non. Enfin, pourtant, la communauté Ruby est normalement plus importante. Enfin, est-ce que demain, il y aurait des communautés qui sont plus ou moins à même de venir à une conférence, ou plus ou moins parisiennes, ou plus ou moins. Ouais, alors il y a des communautés qui sont. Je pense qu'il y a des communautés qui sont plus à l'écoute et plus enclin à vraiment avoir un noyau. Que tu parlais de Go, et c'est un très bon exemple. C'est un petit peu la communauté, moi, que je préfère, parce que les gens sont hyper cool. On sent vraiment cet aspect communauté chez les personnes qui font du Go. Et il n'y a pas d'autres Python. Non, il n'y a pas de Dot Python, et on nous demande souvent pourquoi est-ce que vous faites pas Dot Py. Voilà, c'est une question. Pourquoi pas Dot Py Parce qu'il y a déjà d'autres conférences Python qui le font très bien, et notre but, c'est pas de faire des conférences juste pour faire des conférences. On essaie vraiment de faire en sorte que ça soit vraiment pertinent, quoi. Et par exemple, il y a PyCon, il y a plein d'autres confs. Voilà, c'est pour ça qu'on fait pas spécialement de conférences Python. Et là, est-ce que vous avez des futures conférences en vue pour l'instant, vous allez déjà continuer ce rythme-là, et c'est déjà. Oui, c'est déjà pas mal. Hein. Je t'avoue qu'à 4 personnes, c'est déjà pas mal d'en faire 6 ou 7 par an. Après, voilà, on n'est pas fermé, on est assez à l'écoute de ce qui se fait. Voilà, on est en train de. On regarde un petit peu du côté de Rust, de Kotlin. Voilà, il n'y a rien qui est fait encore. Je faites pas des plans sur la côté. mais voilà, on est pas fermé, quoi. Peut-être qu'on va en lancer d'autres, mais ça sera pas en 2018 déjà, parce que le calendrier est déjà annoncé. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut se faire. Et là pour l'instant, donc vous êtes sur Paris. Ouais. Est-ce qu'il y a une volonté, c'est vrai que nous ici on est tous parisiens, donc voilà, mais je vais penser à ceux qui sont pas à Paris. Est-ce qu'il y a une volonté de faire des futures conférences en province, en région? Pas du tout, ça peut être. Non, c'est vrai qu'on pas spécialement en province. Si on faisait quelque chose, ça serait peut-être plutôt à l'étranger, mais c'est aussi compliqué, parce qu'il y a déjà plein d'autres conférences, et ça impliquerait forcément une équipe sur place, parce qu'on peut pas se démultiplier. Il faut être sur place pour gérer les trucs et tout. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on envisage de faire dans l'année à venir, on va dire, en tout cas. Ok. Et à part les futures conférences, à part les futurs lieux, est-ce que vous avez d'autres projets que vous avez envie, ou là pour l'instant vous êtes dans une phase de stabilisation, on va dire? Ouais, on essaye de stabiliser un petit peu, de faire en sorte que les conférences grossissent normalement tous les ans, et voilà, pour l'instant il n'y a vraiment pas de prochaines conférences qui vont être lancées dans les mois à venir là, sauf surprise et arrivée d'une nouvelle personne ou renfort de l'équipe. Mais là c'est vrai que à 4 personnes, c'est un petit peu un petit peu notre limite. Si cette conférence par an, ça fait déjà pas mal de boulot. Mais comme tu disais tout à l'heure, où les bénévoles sont les bienvenus, Est-ce que là, vous êtes plutôt ouvert justement à faire grossir l'équipe pour pouvoir faire plus de choses l'année prochaine, ou c'est pas réellement dans votre optique de grossir et... C'est le moment de faire la liste au Père Noël, là. C'est, Voilà. S'il faut demander, tu peux demander. Non, c'est vrai qu'on essaie de faire grossir un petit peu les équipes tous les ans, puisqu'on a plus de participants, donc il y a plus de choses à gérer, mais après, voilà, on va pas faire x2 sur les équipes, par exemple. Le but, c'est pas non plus que les gens viennent et qu'ils aient rien à faire, c'est aussi que ça soit intéressant pour les bénévoles, parce qu'ils rencontrent du monde, etc., mais... Là, on n'est pas dans une optique spécialement de faire x2 sur les équipes, par exemple. On est ouvert, comme je disais, s'il y a des nouvelles personnes qui veulent rejoindre la Wood Tour, c'est avec grand plaisir, mais on n'est pas dans une recherche effrénée de nouveaux bénévoles. Super. Super. Je sais pas si tu as une dernière chose que tu aimerais dire. Est-ce qu'il y a... Le mot de la fin. Le mot de la fin, voilà. Si on t'a pas, s'il y avait quelque chose là que t'avais envie de dire à la radio, ça peut être un merci à ta maman, hein, ça peut être une dédicace. Non, il y a pas vraiment de mot de la fin. C'est peut-être. Bah super. Déçu, Guilhem, mais... Non, non, non. Il n'y aura pas de speaker révélé. Non, non, mais c'était pas le but. Mais bon, ça veut dire déjà que. Pourtant, on y a cru jusqu'à la fin. Bon, bah merci beaucoup en tout cas, merci pour ce moment. Merci à vous de nous avoir invités dans ce podcast. Bah super, et puis on vous voit la prochaine fois. Donc prochaine conférence, c'est Dot.ai le jeudi 31 mai, suivi de Dot.sky le lendemain, le vendredi 1er juin. Voilà. Bah je pense que vous nous verrez là-bas en tant que participants à ces conférences. Et donc merci beaucoup à tout le monde, et puis sortez bien en conférence, allez vous renseigner et apprenez plein de choses et réseautez la communauté. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Ciao.